Il veut s'envoler pour cueillir une étoile. Il veut parcourir l'horizon, mettre les voiles, laisser dans vos yeux ses grands yeux d'innocence, vous plonger dans son univers. Il dort sur un nuage pour vous dire que la peur, celle qui vous rend si sage, ne vaut pas la douleur. Il va de ville en ville, vous criez son amour. D'un petit pas tranquille, il vous fera la cour. Il veut s'envoler pour cueillir une étoile. Il veut parcourir l'horizon, mettre les voiles, laisser dans vos yeux ses grands yeux d'innocence, vous plonger dans son univers. Il brave les orages, les tonnerres de la vie, ceux qui vous mettent en cage pour taire vos envies. Il court et batifole sans penser à demain. Dans une farandole, il vous prend par la main. Il veut s'envoler pour cueillir une étoile. Il veut parcourir l'horizon, mettre les voiles, laisser dans vos yeux ses grands yeux d'innocence, vous plonger dans son univers. Il connaît la souffrance car les gens sont jaloux de son indépendance et pourquoi pas de vous, car vous êtes si belle dans ses grands yeux ravis en brillante étincelle. Mon Dieu que c'est joli. Il veut s'envoler pour cueillir une étoile. Il veut parcourir l'horizon, mettre les voiles, laisser dans vos yeux ses grands yeux d'innocence, vous plonger dans son univers, vous plonger dans son univers.